21h. Et Inch'Allah, on vous tiendra au courant de l'heure exacte, car je dois revenir voir par rapport aux heures de prière en France, afin de déterminer l'heure exacte à laquelle je terminerai la traduction de cette conférence de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, wa waffaqahu li kulli khayr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.